Bonsoir chers auditrices et auditeurs de Canal B, ravi de vous retrouver sur un nouveau numéro de l'Asile de Puceur sur antenne du 94 MHz en direct le lundi à partir de 21h30 et des brouettes jusqu'à 23h à peu près. Et aussi à partir de son blog asile35.blogspot.fr où vous trouvez les playlists, les liens, les vidéos. Jusqu'ici vous pouviez télécharger l'Asile, désormais vous pouvez directement vous brancher sur un très beau PodCloud, un podcast de l'Asile en direct sur internet. Voilà, donc asile.podcloud.fr, et bien évidemment aussi les émissions sont toujours écoutables en streaming à partir du blog asile35.blogspot.fr. et cette petite nouveauté, c'est vraiment une grosse nouveauté puisque les 138-140 dernières émissions de l'Asile le plus sûr, donc les 3 dernières années, sont entièrement podcastables de partout, sous la douche, en voiture, également en bus ou en faisant votre jogging le dimanche matin par exemple, à partir du site susmentionné. Et il y a évidemment les playlists, et vous pouvez aussi retrouver tout ça à partir du blog asile35.blogspot.fr. Voilà, donc on remercie notre expert S Nouvelle Technologie Redman pour nous avoir filer un sacré coup de main pour ce podcast qui donc va révolutionner l'Asile et le faire entrer dans l'ère des technologies 4G. On va démarrer avec un groupe un peu raccord puisque eux aussi sont dans le cloud. Ils s'appellent les Cloud Becomes Your Hand. Alors ceux qui sont abonnés à l'Asile depuis 2 ans savent tout le bien que je pense de ce quintet basé à Brooklyn mené par Stephen Cooper, claviériste de son état. Il y a d'ailleurs 2 claviers, une guitare, des percussions et même du violon pour cette formation, un tantinet psychédélique avec des thèmes un peu qui font penser à du Syd Barrett, ce qui est notamment le cas de leur tout nouvel album qui sort à la fin du mois de mai sur étiquette Northern Spy, qui avait sorti le précédent, qu'on avait beaucoup écouté et pas mal diffusé dans l'Asile le plus sûr. Le précédent s'intitulait s'appelait Rock or Cakes. Il était vraiment fort bon et celui-ci en prend toute la tournure. Il s'intitule Rest in Fleas et on va écouter un premier extrait de ce nouvel album de Cloud Becomes Your Hand, le titre Bridge of Ignorance Returns. vie de séquence pour se mettre en jambe dans l'asile le plus sûr qui a démarré avec du rock in opposition, on pourrait dire, pour ce combo new-yorkais Cloud Becomes Your Hand, Rest in Fleas, qui sort fin du mois de mai sur Northern Spy. Cloud Becomes Your Hands, qui est un peu la tendance, on va dire, rigolote du rock post-Canterbury et rock in opposition, donc le troisième album long pour cette formation. Le premier était paru de manière assez confidentielle. On avait surtout écouté le second qui s'intitulait Rock or Cakes, les deux derniers sortis par Northern Spy. On vous passera sans doute des extraits de ce nouvel opus dans de prochains numéros de l'Asile le plus sûr. Et on a enchaîné avec une formation peut-être un peu à géométrie variable de Québécois qui répond au nom de Snake Whiskey, qui sort cet album éponyme sur étiquette Jeunesse Cosmique. Donc une mélange entre de l'afrobeat, de la musique du Mali, du Laos, un petit côté Don Cherry aussi, c'est assez improvisé et c'est plutôt pas mal du tout cet album éponyme du Snake Whiskey. Et Jeunesse Cosmique, bon, c'est un label qu'on n'a pas beaucoup pratiqué ces dernières années, mais qui sort des choses à intervalles assez réguliers, avec des formations aux noms assez incroyables, tels que Hazy Mountain Mystique, Téléphone Maison, Félix de l'Étoile, et autres Gustavo Kuerten pour ce Jeunesse Cosmique qui est basé à Montréal, au Canada, et qui produit une musique qui est plutôt d'obédience cosmique psyché nouvelle mouture. Bon, on écoutera un petit peu les autres productions et on vous fera sans doute d'autres comptes rendus de Jeunesse Cosmique. En tout cas, ce Space Whiskey qui est une rencontre d'un peu tous les gens de ce label de manière improvisée, un peu au coin du feu, est plutôt pas mal. Voilà, on va enchaîner avec la formation Pride. Raed, qui est la rencontre entre Monsieur Raed Yassine, le musicien de Beyrouth, et Paed Conga, le musicien suisse qui joue dans pas mal de choses, et notamment Blast depuis les années 80, et quantité de projets improvisés. Et tous les deux, ils ont un duo depuis, je ne sais pas, une petite dizaine d'années. Ils ont sorti des disques, notamment chez Creative Source. Et ils remettent le couvert en ce printemps avec The Fabrication of Silver Dreams, qui est vraiment très très bon. Donc une musique qui fait pas mal penser à un peu tout ce qu'on vous a passé aussi ces derniers mois dans l'Asile le plus sûr, notamment les musiques du Johnny Tafta Vegetarian Band, ou encore de Malayin, dans lequel on retrouve le même Raed Yassine aux côtés de Charbel Abel et de Raël Yassine. Et donc une musique qui fait un peu penser à une sorte de folklore mondial plutôt assez allumé comme on l'aime. Et on va écouter un titre qui s'appelle Stone Crocodiles, qu'on va dédier d'ailleurs à nos confrères de la jeune radio Crocodile à Rennes, radio qui croque le peuple en marche et qui émet depuis la maison du peuple d'ailleurs depuis quelques jours sur le 100.3 FM, puis désormais assez translaté sur internet à partir du site mixlr.com/radiocroco. Donc on écoute ce Stone Crocodiles, c'est parti, on écoute Praed sur l'antenne du 94 MHz, l'asile le plus sûr. Allez, avouez que vous avez remué du popotin sur cette séquence de l'Asile le plus sûr qui a démarré avec l'excellent duo Praed qui marque la rencontre entre Raed Yassine et Paed Conga et ce nouvel album The Fabrication of Silver Dreams qui est sorti sur Aniya, qui avait sorti d'ailleurs la version CD, si je ne m'abuse, de Malayin, l'excellent projet dont il fait partie monsieur Raed Yassine dans les mélanges de musique libanaise et de musique électro un peu de souk mais joué aussi de manière un peu free et assez exacerbée, donc une très belle partie de danse de ventre sur ce titre. Il y en a un autre qui est tout aussi excellent qui dure pas moins de 12 minutes que je vous mettrai peut-être d'ailleurs dans les bonus de l'émission à partir du blog az35.blogspot.fr. et on a enchaîné à l'instant donc avec The Dwarfs of East Aguza et cet album Biz qui est un double album pour ce trio qui mélange, comme vous pouvez l'entendre, musique un peu kérote, puisqu'il y a deux musiciens du Caire en son sein, messieurs Maurice Luca qui est au clavier électrique et électronique, dont on vous avait passé d'ailleurs la musique à l'occasion de la sortie de son fameux Salute The Parrot. Et c'était aussi un projet dans lequel on retrouvait le guitariste électrique qui lui fait pas mal de choses depuis une bonne vingtaine d'années, également Kerot Sam Chalabi et Alan Bishop des ex-Sun City Girls, donc on vous parle abondamment semaine après semaine, était aussi à la guitare et au saxophone également sur le titre qu'on continue d'entendre derrière moi, un morceau très très long, il y a vraiment des très longues pièces. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un double album vinyle et CD sorti par l'étiquette Nawa Recordings, ce projet The Dwarfs of East Aguza, avec aussi de l'orgue assez frénétique, comme vous pouvez l'entendre. On va continuer avec un projet qui lui remonte au début des années 80. Il s'agit de Lifetones. Lifetones qui revoit le jour à l'occasion d'une réédition. C'était le projet de Charles Bullen qui était l'une des trois âmes damnées de Zizit et l'un des deux rescapés de cette formation assez exceptionnelle du free rock expérimental britannique, aux côtés de Charles Seward, donc qui lui aussi est toujours de ce monde, et Gareth William qui lui a cassé sa pipe il y a de ça une bonne quinzaine d'années en arrière. Et Charles Bullen avait produit ce projet principalement tout seul. Enfin, c'est lui qui faisait quasiment tout, la voix, la guitare, les claviers, la basse, les percussions et autres clarinettes sur cet album de Lifetones, donc son projet solo au moment où Zizit ont commencé à se séparer. Et l'album, c'est un unique album, non pas éponyme, mais sous le titre de For a Reason, et c'était sorti à l'époque sur Tone of Life Records. Ça revoit le jour pour la première fois en vinyle et en CD sur Light in the Attic. On va écouter le titre assez approprié après les séquences qu'on vient d'entendre de Lifetones, le morceau Traveling. Une séquence complètement décousue dans les éluptures, une triplette de titres enchaînés avec tout d'abord le fameux projet Life Tones de Charles Bullen après qu'il ait quitté les Icit au début des années 80. Ça datait de 1983, très exactement du côté de Londres. On produisait un mélange entre une sorte de free rock, là c'était assez ethno finalement, et aussi un petit côté de Bizan aussi pour ses projets à monsieur Charles Bullen qui a commencé à produire pas mal de choses aussi, ce qu'il continue à faire et à sortir des choses de temps à autre, et donc un projet pratiquement unipersonnel avec juste un batteur pour l'accompagner et lui officiant à tous les instruments pour ce For Horizon sur le projet Life Tones qui revoit le jour grâce au bon soin du label Light in the Attic. Et on a enchaîné avec Sourdure et un extrait de La Virée qu'on vous avait proposé à l'occasion de sa sortie. C'était il y a de ça déjà, il y a pas mal de mois déjà, plus de 6 mois. C'était sorti sur Tans Process pour ce projet du Clermontois et Auvergnat, relocalisé, si je ne m'abuse, du côté de Lyon. Ernest Berguez, membre de Koval et autres Org Agnès, qui produit des chansons, il reprend un peu des chansons populaires anciennes, des musiques traditionnelles du massif central chantées en Occident, branchées sur de la noise électrique et fort chargées en psychédélisme, dans une lignée un tantinet Tazartès Francis Bébé, pour vous donner un petit peu les influences de Sourdure. Et donc un chant en occitan mélangé à de la voix, du violon, de l'électronique, pas mal de pratiques obliques pour le projet de monsieur Ernest Berguez, et qui sera d'ailleurs en concert à Rennes, ce sera lundi de la semaine prochaine, si je retrouve mon petit papier. Concert de Sourdure et de Cheval Scintillant, ce sera le 16 au Terminus, donc ce sera lundi de la semaine prochaine, grâce aux bons offices de notre camarade Jean-Louis de l'Alambic, qui est très très actif en ce printemps, déjà pas mal de concerts à son actif depuis le début d'année, et il continue vaille que vaille avec pas mal loin de 2 ou 3 concerts aussi au mois de mai. Juste pour vous signaler aussi que Sourdure sera à l'affiche du Tapet Fest, donc le festival du Pathos, 4e édition, les 24 et 25 juin, qui aura lieu dans le 56, pas très loin de Rennes, à Campanéac. Voilà donc pour le Tapet Fest, qui accueillera également monsieur Berguez, comme l'an dernier d'ailleurs. Il avait joué également l'année dernière au sein des Orgues Agnès. Là, il sera en solo, comme ce lundi prochain, donc à Rennes, pour cette soirée qui aura lieu au Terminus le 16 mai. Et on a enchaîné avec Calva, qui est le projet basé à Pau, qui existe depuis une bonne douzaine d'années, je pense, et qui sont aussi de retour avec un concert cette semaine. Ce sera le 13, donc je crois que c'est samedi soir. Ce sera au Baric, en haut d'Hélice, le bar Le Baric, avec aussi Laetitia Chérif. Et c'est bien évidemment une soirée organisée par nos camarades de Cafioul, tout ça pour 6 euros. Et on entendait un extrait du dernier album de Calva qui s'intitule Siamois et qui est sorti sur l'étiquette, bien évidemment, de Pau, à temps rêvé du Roi Records. Je propose d'enchaîner avec une formation qu'on vous avait déjà proposée avec un premier volume. Il s'agit de Exhaustion. Exhaustion, qui est un groupe de free rock assez noise, qui pourrait plaire d'ailleurs à nos camarades de Kerosene Cafioul. Ils sont basés à Melbourne. On vous avait passé l'un de leurs premiers disques, je crois que c'est le deuxième, qui s'intitulait Biker, qui était sorti sur Arct. Et depuis déjà 1 an et demi, 2 ans, ils travaillent aux côtés d'un musicien de free jazz qui répond au nom de Chris Wanders, qui est un musicien musiciens bataves. Ils avaient sorti un LP monoface, accompagné de ce saxophoniste ténor. Et comme c'est étrange, ils se sont pris au jeu et ils ont pris goût. Donc cette fois-ci, c'est un vinyle double face, donc un 33 tours qui sort sous cet intitulé 2 en chiffres romains. Et ça sort comme de juste sur Feeding Tube Records. On écoute Exhaustion et Wonders, ou tout au moins en partie, puisque le titre est très très long. Le combo de Melbourne, Exhaustion, avec ce disque en compagnie du saxophoniste vétéran Chris Wanders. Il s'intitule 2. Et c'est un genre de blues un peu vociféré, comme vous pouvez vous l'entendre. Plutôt de très très bonne aloi, ce nouvel album des Exhaustion qu'on vous passe assez régulièrement. C'est plutôt pareil, rien de très nouveau sous le soleil, mais c'est plutôt assez intéressant quand même. Et ça sort sur étiquette Feeding Tube, pour ne rien gâcher, ce qui est un excellent label américain qui sort toujours des choses assez incroyables comme ce Exhaustion et Wonders numéro 2. Voilà, on va continuer avec une autre formation qui sera en concert très prochainement à Rennes. Il s'agit du trio qui réunit les Lillois Jérémy Ternois, Crous et Orins. Peter Orins, Jérémy Ternois et Yvan Crous, alias les Toc, qui avaient sorti un très très bon disque, c'était il y a de ça un an à peu près, je crois que c'était sorti sur étiquette Circum Disc, donc le label d'ailleurs basé à Lille également. Et ces trois Olibrius seront à Rennes, figurez-vous, ce samedi, donc 14 mai. Je vous ai dit que c'était le samedi 13, mais non, le vendredi est vraiment un vendredi 13 cette semaine. Et donc le 14, un concert à ne pas manquer au Marquis de Sade à Rennes, avec le trio Ternois, Orins, Crous du collectif Musix, qui joueront d'ailleurs avec en première partie Jérôme Pourreau, pardon, des formations Hémodroïde et The Clint, etc. Et c'est monsieur Gilles, qu'on salue d'ailleurs, qui organise ce concert du 14 mai à Rennes en prix libre. Et le lendemain, ces trois Olibrius joueront au festival Le Lac dans le Finistère. Alors Le Lac, c'est un festival qui est organisé par ceux qui avaient fait La Criée à Pinmar dans le Finistère Sud, et qui cette année se sont rabattus du côté du Finistère Nord, alors toujours du côté des traces de mammouths et de fouilles archéologiques, non plus du côté du musée de la préhistoire de Pinmar, mais à Comana, où il y a une allée couverte de mégalithes d'ailleurs. Et là, ce sera au lac du Drennec. Et alors, c'est pas très intéressant ce que je vous dis. Ce qui est plus intéressant, c'est le casting. Il y a vraiment un casting de rêve pour ce jeune festival Le Lac qui aura lieu ce week-end. Et notamment les deux boules vanille. Il y aura donc à la fois du free rock et mat, les deux boules vanille, du free rock et du free tout court, avec You Can Dance également, qui sera de la partie. Erwan Keravec avec sa cornemuse magique, Jean-Luc Guyonnet et son sax, lui aussi assez vociférant. Donc le trio sus mentionné, et quantité d'autres. Vous avez plus d'informations par exemple sur le Facebook Festival Cric, voilà, pour avoir les informations de ce festival assez incroyable qui aura lieu dans le Finistère. Et donc on va écouter la triade Ternois, Crous, Orins, non pas sur leur toc, mais sur le disque qu'ils ont sorti en début d'année, également sur Circum Disc, sous un nom totalement imprononçable, quelque chose comme Keketa Tar Suatsiat. On écoute un extrait de cette nouvelle galette vinylique. C'est un peu plus improvisé que toc version free rock, avec des longues pièces. En tout cas, une musique toujours de qualité pour ces trois lascars, et Jérémy Ternois, Crous et Orins, dans l'asile le plus sûr. jusqu'au bout de cet excellent disque du trio des Lillois Ternois, Orens et Crous, C-R-U-Z, du collectif Musique, qui joueront ce week-end à Rennes au Marquis de Sade ce samedi 14 mai en prix libre. Voilà donc un extrait de leur dernier disque en date, sorti sur Circumdisc. Là, ils sont en formation un peu plus free rock, mélange free rock et musique un peu répétitif aussi pour ce trio très très bon de Lille. On va pas tarder à se quitter. Je vous rappelle que l'émission est entièrement écoutable et podcastable sur internet, écoutable en streaming avec les playlists, les liens, des commentaires en tout genre sur asile35.blogspot.fr. À partir du asile.podcloud.fr, vous tapez ça dans votre lecteur de podcast préféré et vous pourrez télécharger, écouter les émissions sur votre téléphone de partout et de nulle part. Voilà pour les liens de l'émission et on se quitte avec une disparition, une de plus on pourrait dire, et pas n'importe laquelle. Il s'agit du tromboniste allemand Johannes Bauer, qui a cassé sa pipe, qui est décédé à 62 ans, saleté de crabe une fois encore. Et Johannes Bauer, on l'avait vu à pas mal de reprises, notamment aux côtés d'Alan Silva, Roger Turner et Abdelahi Benani par exemple. Donc c'est quelqu'un qui avait commencé dans le free jazz un peu historique allemand, aux côtés de son frère Connie Bauer. Il a fait partie notamment d'un excellent groupe de guitare, de trombone, aux côtés de son frère, sous le titre d'Opel Mopel. On a vu ça il y a pas mal d'années aussi en arrière au Festival du Mans. Je crois que c'est la dernière fois que je l'avais vu aussi, il y a de ça 4-5 ans, et c'est vrai qu'il était déjà assez fatigué. Alors c'est quelqu'un qui a assez peu produit, monsieur Johannes Bauer, sous son nom. En fait, il a fait surtout partie de grandes formations, notamment les projets de Peter Brotzmann, le Chicago Tintet notamment. Et je propose de conclure avec un groupe qui avait été initié par le batteur Jean-Noël Cognard, le projet Brigantin, qui avait donné lieu à un coffret triple vinyle assez formidable, publié par son étiquette Bloc Thyristor. Ça s'intitulait La fièvre de l'indépendance. Voilà, c'est ce qui pouvait caractériser feu Johannes Bauer. On le retrouvait aux côtés de son frangin Connie, qui lui est toujours en vie, du bassiste Barry Guy, et bien évidemment Joanoel Cagnard cognait ses fûts de batterie de cuisine sur ce très beau coffret triple vinyle. On va les écouter tous les quatre pour se terminer. On va d'ailleurs dédier cette séquence aux camarades de ciné aussi, qui nous a tiré sa révérence en fin de semaine dernière, le jeudi de l'Ascension, très exactement comme vous le savez très bien. Et comme c'était aussi un très grand amateur de jazz, mais plutôt de jazz un peu historique, même s'il défendait le jazz free qui lui cassait parfois les oreilles, je crois qu'il avait du mal avec Cecil Taylor par exemple ou Ornette Coleman, mais par contre Albert Ayler et ce genre de choses trouvaient grâce assez tympans. Et puis c'était surtout un défendeur des musiques libres et bien sûr de tout un tas d'autres choses. On écoute un extrait de ce Brigantin à la mémoire de Johannes Bauer. On va démarrer à partir d'un titre qui s'appelle Courant fort. Alors les titres sont toujours assez somptueux pour les projets de Jean-Noël Cognard. Celui-ci s'intitule Veine férocité. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.

as an apple. I live in the sewer and I drink my own vomit. Breath of a seagull is in my brain. I got onto a train and I rode into the flames on a boat. I am my own pet goat. And I live all alone with a plastic jawbone and electric lights hopping down the street to a parabolic beat. I'm soaking my beans in the going to stream. Living in a dream, trying not to be mean. Until it goes to me.